the track. Bitch. Dans des ruelles sombres très loin de Médine, mais je me sens puissant quand je me plie vers là-haut. Je représente la banlieue comme Zinedine. Même si tu montes la somme, je vais pas baisser mon jean. En 2015, je faisais déjà le signe. 7 ans plus tard, je me retrouve à rapper avec le J. J'ai toujours pas bougé, bientôt 20ème bougie. Braquerai les huissiers s'ils veulent nous déloger. La lourdeur des soucis bloqués dans un foyer, où même les gros poissons finissent noyés. Des fois, je me demande si ça paye vraiment d'être Nia. On est qu'à lâcher de Toul jusqu'à Marsilia. Je passe la weed à l'ancien pour pas qu'il se bute à la Winston. La cam est forte, tous les deux qui sont stone. J'ai récupéré un billet, je me bute pas vers Boston. J'étais à les manettes, c'est plus moi qui tiens le stand. J'ai vu tous les recoins de la misère en tournant en stunt. En stunt. Trop la rage, fais crier tout le stade. Tout le stade. On a grandi au milieu des seringues. Avec des usurpateurs, faites-moi monter sur le ring. Je viens d'un endroit moisi, les flics de ma ville, ils sont corrompus comme les arbitres à la cale. Y'a même le fils d'une députée qui vient chez nous pécho de la cale. J'sais que ça peut péter à tout moment, faut juste que je garde mon calme. J't'ai dit reste à 2 mètres de moi si tu pues la Heineken. J'ai compris qu'faut faire patient comme un dollar qui a envie de ken. Mes frangins c'est tous des buteurs, dans la surface y'a que des hurricanes. Dans des ruelles sombres très loin de Médine, mais je me sens puissant quand je me plie vers là-haut. Je représente la banlieue comme Zinedine. Même si t'augmentes la somme, je vais pas baisser mon jean. Ce son c'est pour les crapules qui savent pas danser, sans faire d'études qui ont des gros dossiers. Une chico en moins les sourcils français, ceux qui gardent la mentale même pendant le procès. Font les fous en face y'a plus de gasoline, qu'avec des têtes cassées même quand c'est pas Halloween. T'as beau te montrer si te mettre l'œil aujourd'hui, demain t'as plus win. Ici que ça se tire dessus, pas besoin de call-off. Après moi t'en plein, le petit ça c'était une calache. T'as pas entendu, je m'y tourne dans les parages. Bep, bep, bep. Quand y'a mariage, tu voles pas la face. Si personne te l'a fait, tu la fais pas la passe. Tu les laisses par la tasse, les autres à la base. Quand t'as fait la pute, tu fais pas la bise. Ou ta tête, tu la casses. Cassé dans la caisse, les petits lèvent en crosse. Tu me niques sur la tête, on va te faire des bosses. La rue dans le sang, j'ai vu des choses atroces. Mon pote, il vient de se séparer, il veut une tête mosse. J'en pense au lot, mais t'inquiète, je suis pas seul, je peux pas faire genre je suis bien en ce moment, c'est pas ça. Ma tête est pleine, mais mon cœur n'est pas sale. Putain, certif, j'suis encore pas bien quand je croise la façade. Ils sont pas beaucoup quand c'est chaud, je le sentais. Mais t'inquiète, de toute façon, on va se refaire la santé. Je fais tout avec le cœur blanc pour qu'on me laisse en paix. Fais du bien, j'en vois pas beaucoup me représenter. Là, je suis gazé dans la voiture italienne. Sur VDP, monte Casio et le bob en laine. Toujours en claquette, j'ai mis de côté les baleines. Ici, ça te lève les cages à la clé à laine. Dans des ruelles sombres très loin de Medine. Mais je me sens puissant quand je me plie vers là-haut. Je représente la banlieue comme Zinedine. Même si t'augmentes la somme, je vais pas baisser mon jean. Ce son c'est pour les crapules qui savent pas danser, sans faire d'études qui ont des gros dossiers. Une chico en moins les sourcils français, ceux qui gardent la mentale même pendant le procès. J'appelle en FaceTime, j'ai pas pu gratter le parlu. J'suis masqué mais ils me reconnaissent à ma carrure. L'avenir est tracé comme la schmack sur la lune. Commande tes max dans ma rue. Dédicace aux anciens qui braquaient les stations service. Ou aux petits qui font des délits sans permis. Nique la race aux bâtards qui m'ont pas rendu service. Nique les bandeurs d'un mois, on les a cernés. C'est Cara au mic, non c'est pas la mairie. C'est nous on gère la ville, c'est pas la mairie. Si tu joues le mic, j'arrive comme Tommy Gunn. Touche un des notes, ça déboule comme des hooligans. Tu me belles alarmes, tu me chichayais. Soka klar boş, tu me takım içeride. Özgürlüğü aradım ama bilmiyorum nerede. Ah, ama bilmiyorum nerede. Bir haftadır yatmadım, gözlerim yanıyor. Yüz yürüsek bile Fransa bizi istemiyor. Ah, bizi istemiyor. Dans des ruelles sombres très loin de Medine, mais je me sens puissant quand je me plie vers là-haut. Je représente la banlieue comme Zinedine. Même si t'augmentes la somme, je vais pas baisser mon jean. Ce son c'est pour les crapules qui savent pas danser, sans faire d'études qui ont des gros dossiers. Une chico en moins les sourcils français, ceux qui gardent la mentale même pendant le procès.